بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل الآن في سورة النحل، سورة الزبي. في المسألة 100، سنتيم مسألة، في قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم. Dans le sens où Allah dit que nous allons, qu'ils vont certes porter leur fardeau complètement le jour de la résurrection, et ainsi que du fardeau de ceux qu'ils auront égarés. An-Nahl, les abeilles, verset 25. هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم. Donc ce noble verset nous montre que ces égarés porteront leur fardeau, leur propre péché, complètement, et qu'également ils porteront du fardeau de ceux qu'ils auront égarés. De ceux qu'ils auront égarés. قال رحمه الله تعالى وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره كقوله تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا تحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Et d'autres versets sont venus pour montrer justement le contraire, que chaque âme ne portera pas le péché des autres, mais que le sien. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit, et que même si une âme surchargée de péché viendrait à appeler une autre âme pour porter de sa part, voyez, même s'il s'agissait de proches, rien ne serait porté pour elle. Rien ne serait porté pour elle. Ça veut dire ses propres péchés, elle les portera elle-même. Fartir, le Créateur, verset 18. Wa qawlihi ta'ala, wa la taziru wazilatun wizra ukhra. Et qu'aucune âme ne portera le péché d'une autre. Al-An'am, le bestiaux, verset 164. Et des versets similaires sont venus dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, verset 15. Tamam, Al-Fatir, verset 18. Et Az-Zumar, ornement, verset 7. Des mêmes versets qui se répètent. Donc là, comme on lit entre les deux, قال المؤلف رحمه الله تعالى والجواب أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإدلال فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولينقص ذلك من أوزارهم شيئا لأن تشريعه له لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ به. Donc la réponse est que tout simplement, ces égarés, ces gens égarés, ne font que porter leur propre péché, en réalité. Car ils ont le péché de leur propre égarement, également de la cause de l'égarement des autres. Et celui qui fait, qui instaure une mauvaise tradition, c'est-à-dire une chose suivie dans le mal, il portera justement le mal qu'il aura causé et le mal dont il sera la cause pour les autres. Sans pour autant que, lorsqu'il prend le péché d'avoir égaré les autres, cela enlèvera de leur péché à ceux-là qui ont été égarés par cet homme-là ou cette personne-là. D'accord ? C'est-à-dire, lui, l'égareur, porte le péché de son égarement et le péché du fait d'avoir égaré les gens. Et que ceux qui sont égarés par sa cause auront le péché de leur propre égarement. Et celui-ci ne sera pas réduit du fait que leur égareur portera également le péché de la responsabilité de les avoir égarés. Pourquoi ? Car lui, il aura légiféré une chose pour autre que lui. Et cela est un péché en soi. C'est-à-dire, son égarement est un péché, et le fait d'égarer autrui est un péché également. D'accord ? Le fait d'égarer autrui est un autre péché encore. Car des gens se font du mal à eux-mêmes. Et t'as des gens qui se font du mal à eux-mêmes ainsi qu'aux autres. للأسف. قال وبهذا يزول الإشكال أيضا في قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. Également cela enlève le problème qui pourrait apparaître dans la parole d'Allah dans ce qu'il dit et qu'ils transportent leurs péchés et d'autres péchés avec leurs propres péchés. C'est quoi ces péchés-là? C'est le péché de ceux qui auront suivi leur mauvaise tradition, qui auront agi comme eux et qui auront été influencés par leur égarement. Verset 13, soit Al-Ankabut. Donc toi, tu ne portes pas le péché des autres du fait qu'ils vont à mal, c'est toi qui l'endosses, mais tu porteras le péché de les avoir égarés. Tu porteras le péché de les avoir égarés, c'est-à-dire la responsabilité et la cause, car tu étais la cause de l'égarement de ces gens-là. Wallahi azbillah. هذا هو الجواب عن هذه الآيات والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك